dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Longtemps j'ai subi l'arrogant, le petit résonne le mépris. Je suis la conne Kouchari, étiquetée à mort, je morde sans me morfondre. Trop moribonde pour ça, je me fonde à un monde sans roi. Où la seule loi serait de penser à moi. Que passent les rêves, la mesquinerie ne fait pas de trêve. En bas de liste, pas trop égoïste, j'encaisse et souris. Les spécialistes, la blague, fantaisiste m'emmerdent, mais tant pis. J'ai rien à dire car je suis ce qu'on fait de pire, j'ai juste à subir. Les démoches, tu sais là, rien, t'as des petits seins ridicule. Pas réaliste et trop altruiste, réponds jamais rien. Même si j'ai mal, c'est le grand carnaval, la vanne qui décale. Celle la mosconne, celle qui est moche et conne, on l'a dit cochon. Mais t'inquiète, 15 jours peut-être je serai bien. Tintin, tintin, tintin, tintin. On l'avait jugé trop vite, on disait d'elle qu'elle aimait la vie. C'est en secret que les idées s'excitent, beaucoup trop moche pour se la taper. C'était sans compter qu'un jour, métamorphosé en bombe d'amour. La belle poire, la connasse de toujours, elle nous ferait tous braver. C'est tant pis pour nous, elle préfère les minous. Miaou. Maintenant, j'suis tuné, équipé, upgradé. La route bien tracée, moi j'préfère les sentiers. Ceux avec une brousse et la fameuse fossée. J'aime les secousses, mais les bosses me donnent la nausée. J'repense alors à toutes ces mauvaises années. Que passe la haine, d'façon vaut que j'la trouve franchement vilaine. En haut de la liste, t'es trop égoïste, j'encaisse les flatteries. Les spécialistes, la bonne blamatrice m'emmerde, mais tant pis. J'ai rien à dire, j'suis une poupée de cire, j'ai juste à sourire. Oh t'es bonne, moi tu me plais bien sûr, tout est sain. Mate les pastèques. Trop réaliste, quand je rentre en piste, les regards viennent malsains. J'excite les mâles, c'est le grand carnaval, des yeux on me déballe. C'est la mosconnée, tout le monde la connaît, elle nous fait ban. Elle nous fait ban. Ban quoi? La question est complète. Ban public, bandeau de pirates, bambi en Afrique. Mais je vous l'ai dit, 15 jours aussi, moi je serais bien. Tintin, tintin, tintin, tintin. On l'avait jugé trop vite, on disait d'elle qu'elle aimait la vie. C'est en secret que les idées s'excitent, beaucoup trop moche pour se la taper. C'était sans compter qu'un jour, métamorphosé en bombe d'amour. Elle veut pas la connaisse de toujours, elle nous ferait tous braver. C'est tant pis pour nous, elle préfère les minous. Miaou.